Bonjour, live 5 janvier 2022. Ça risque d'être un live intéressant parce que je suis pas de bonne humeur. Vraiment pas de bonne humeur. Il va y avoir un point de presse, je sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, là, de Roberge. Roberge, notre ministre de l'Éducation. Notre ministre de l'Éducation, on est. Bon, vous vous souvenez, là, comment est-ce qu'il s'appelait, là, Bolduc? Bolduc qui avait dit que manquer de pas avoir de livres, ça n'avait jamais tué personne, qu'il n'y a pas un enfant qui était mort de ça. Eh bonne celle-là. Ah oui, bon, ok. Ah oui, pourquoi pas. Je vois pas de raison de considérer que vous saviez pas que j'allais en faire un. Pourquoi pas. Bonjour Stéphanie Nina. Bonjour mercredi. Ah. Donc, bonjour Virginie. Moi, j'étais pas de bonne humeur un matin, là. Je suis allé répondre à M. Trajan Junior, là. Il y en a qui ne comprennent pas que le supramental, ce n'est pas une idéologie. Ça n'a rien à voir. C'est un ensemble de phénomènes, de constatations, de perceptions, de capacités de perception. Bonjour, Marco. Valila. Lindus, bonjour, oui. Donc, oui, je deviens, ça me met en colère, je me dis, on pourra pas, l'intellect se donne tellement de valeur. C'est, ouais. C'est la psychologie puis l'intellect. C'est sûr que c'est lié, là, mais. Ouais, en tout cas, il y a des choses que si on les réfléchit, c'est sûr qu'on va se mettre dans la merde. Souvent, je sais très, très bien, je suis au courant parfaitement de certaines choses. Puis si je me mets à y réfléchir, là, je change d'idée, puis je me trompe. Vous voyez, là, l'expression dit se tromper. Se tromper. Soit, c'est sa subjectivité soi-même. J'ai jamais dit que l'intellect était pas correct, mais oui, mais c'est une phase qu'il y a quelque chose après. Il va falloir dépasser ça. Parce que là, on est rendu au point où l'intellect dessert l'humanité. En tout cas. Bonjour, Valkyrie. Ah oui, Valkyrie. Comme dans la mythologie germanique. C'est pas des images que j'aime beaucoup, mais vous, vous êtes certainement gentil. Bonjour. Car bonjour, Carole. Cyril, Benoît, Marco, le premier regard et l'information qui. Ouais. Ben oui, vous voyez. C'est comme, justement, il y a Moreau. Moi, je ne suis pas un fan de Moreau, puis c'est pas moi qui va faire l'apologie de Moreau, mais dis, méfiez-vous de votre première idée, car c'est la bonne. Puis, qu'est-ce qu'il dit et tout? Ouais, lui, il fonctionne par aphorisme. C'est un philosophe. Hein? Donc, pourquoi l'écran est noir? L'écran est noir? Ah, vous ne me voyez pas. Est-ce qu'il y a juste Carole qui ne me voit pas? Oui, madame, peut-être votre écran est fermé. Moi, je me vois, là. Même si je m'en suis vu. Je ne sais pas, oui, les gens me voient. Bon, tout le monde me dit qu'on me voit. Je ne vois pas. C'est juste Carole. OK. Ben, peut-être que votre écran est fermé, Carole. Tout est beau, image parfaite. Ben, parfaite. J'ai pas une bonne caméra. Je vous avoue, là, j'aurais peut-être dû acheter une caméra. Une caméra mieux que ça. Mais bon. À la place, je me suis fait tailler un nouveau manteau cette année. Puis, en tout cas, c'est bizarre, moi, en effet. Vous savez, de choses bizarres, de phénomènes bizarres, il y a quelqu'un en France, à chaque fois que je fais un live, puis qu'il se met dessus sur mon live, il s'ouvre des écrans à côté automatiquement, puis c'est la messe. C'est assez étrange, là, des phénomènes bizarres des fois. La dernière fois, il me disait c'était à Lourdes. Il y avait la messe à Lourdes qui est. En tout cas. Salut tout le monde. Oui, bonjour Monique. Bonjour. RZM64. Salut, bonne journée. Moi, c'est Chantal. Bonjour, Chantal. Benoît, j'ai écouté ton vidéo de 14-15 minutes hier. J'adore quand tu prends le temps de bien choisir tes mots dans une autre pièce, un micro fermé. Je dois être bien intéressant. Quoi ça dans une autre pièce à micro fermé? Ah, oui, ben, moi, c'est parce que des fois, je m'assois dans l'espèce de petite. La place où je mange, là. C'est pas important, ça, c'est ta vibration qui. OK. Bon, OK, j'ai fermé, j'ai réouvert. OK, bon. Les gens viennent penser en arborescence, qui s'intéressent à tout, reçoivent l'information de façon instantanée. Oui. Mais oui, parce que, prenez juste. La médecine aujourd'hui, il y a trop, les médecins sont trop spécialisés, donc ils se cloisonnent. Se cloisonnant, ils ont perdu la capacité d'avoir une vision, comment je pourrais dire ça, d'être capable de faire des comparatifs et de faire des liens entre différents phénomènes, une vision analogique, si vous voulez. Donc, ça devient un sérieux, très sérieux handicap. Les gens qui ont réellement fait de grandes découvertes, c'était des gens qui n'étaient pas cloisonnés dans une spécialité. Donc, bon. Merci de nous faire revenir dans la. Ah, oh, ben là, pas nécessairement, là, ça dépend parce qu'il ne faut pas non plus m'attribuer des capacités comme ça. Dans le sens où la réalité, c'est quoi? Vous voyez, là, c'est une vision holistique. Ben oui. C'est que plus les gens se spécialisent, plus ils sont vraiment, ils deviennent mono-obsessifs, si on peut dire, dans le fond. Mais là, ça crée un cloisonnement de la vue. C'est comme une vue en tunnel. Or, ça prend une vue périphérique, ça prend pour faire de réelles découvertes, ça prend une capacité de synthétisation et d'analogie instantanée. Ça, c'est rare. C'est rare de nos jours. Je n'ai plus. Lui ton commentaire encore. Je n'ai pas lu ton. Ah bon, ah ben vous allez voir, ça va être le fun. Ben, j'étais vraiment en crise. J'étais vraiment pas de bonne humeur. Je l'ai modifié, pas parce que j'ai modifié mon propos, mais parce que ma touche N fonctionne mal, donc j'ai dû remettre les N. Bonjour Camille. Marco Vachon. Connais-tu le concept du zèbre? C'est un type d'intelligence vivante basé sur la sensibilité d'une pensée non binaire périphérique. Non, mais au niveau de certaines pensées qu'on a vues apparaître en Asie, il y a une capacité de penser d'une façon non linéaire. Donc, j'imagine que ça se rapproche de ça, mais je suis pas un fan des concepts. J'aime pas beaucoup les cons. L'idée même de cons, très. Pas besoin de concept, là. Quand on voit tous les tenants et aboutissants instantanés, c'est de l'impatience aussi. Oui, mais c'est ça. Il faut avoir cette capacité-là justement pour engendrer de la contenance. Nous sommes incarnés dans de la linéarité, donc tout est processus. Donc ça, il faut exercer pour. Bon. Ah bon, exact. Ah bon. Penses-tu du phénomène de l'énergie christique qui pourrait débarquer chez nous en 2023? Ben là, au niveau des phénomènes, comment est-ce qu'on définit ça comme un phénomène? Dans le sens, vous savez, là, je sais pas, là, ça devient délicat, c'est des sujets délicats. Je ne suis pas fan du concept car forcément c'est réducteur, mais le doigt pointe vers quelque chose. Oui. Ben oui. L'affaire, là, c'est que l'intellect occidental est extrêmement utile, puis il l'est encore, puis il faut jusqu'à un certain point le garder en tant que structure, de structuration de l'information. Mais il ne faut pas en faire une fin en soi. Je veux dire, lâcher les croyances superflues qui causent les égrégores. Ah bon, moi, pourquoi pas? Mais là, ça dépend, là. Là, je pensais que c'était Benoît avant qui. C'est le grand monarque d'Aglène. Quoi ça? Le grand monarque d'Aglène, 5 février 2023. Qu'on le veuille ou pas, 2023 risque d'être une année importante. L'affaire, c'est que de pas polariser dans le positif nécessairement, ni dans le négatif, ce qui va venir, mais c'est parce qu'au niveau cyclique, structurel, c'est une année. On peut se douter qu'il va arriver beaucoup de choses. Surtout, il y a des agendas de certains groupuscules qui arrivent à échéance. C'est pas parce que. Mettre pas subjectiver ça, là. Ma première impression sur le truc de 2023 me dit bof, non. Moi aussi, je veux dire. C'est des niaiseries, là. Dans le sens que, oui, il va y avoir certaines choses, c'est sûr, parce qu'on ne monte pas un décor pour un théâtre, puis on ne lève pas un rideau pour rien. Mais est-ce que ça va être théâtre d'été encore? En rapport avec la fin de ton dernier live, il n'y a rien qui descend quant à une idée créative contre le contexte actuel, à part atteindre que la masse se réveille. Ouais, mais c'est parce que le réveil, là. Il va être lié à une addition d'individus qui s'éveillent. On n'est plus dans la mentalité, la pensée de foule, la perception de foule, l'idéologie de foule. Le vrai réveil, là, il va être individuel, puis il va atteindre une masse critique au sens d'une addition d'individus. Bon, c'est pour ça que je vois pas ça. Progressive connect, OK. En fait, l'énergie christique, elle est plus dans les égrégores planétaires et non sur les paliers multidimensionnels plus élevés. Ben, c'est certain. Parce qu'un Christ, ça ne peut exister que dans un contexte planétaire, au fond. Dans le sens, quelqu'un qui a une mission pour toute une race racine, de faire franchir un palier, puis qu'il y a une intégration de masse comme ça, il faut que ça soit dans un contexte où c'est nécessaire. Donc, les dates sacrées de la patience pour les impatients, et quand il ne se passe rien, on trouve une autre date et rien ne change. Bon. Ben, vous savez, juste l'affaire de 2012, j'avais des gens dans mon entourage qui croyaient à ça, puis j'avais beau leur dire, il va rien arriver, là, c'est des conneries pour vendre des livres et des documentaires, puis faire des émissions de télévision. Parce que justement, j'avais eu de l'intérêt pour la vision cyclique de certains précolombiens, puis je savais que ça n'avait pas rapport, que ça n'avait pas de sens. De toute façon, en tout cas, j'ai eu beau dire, oui, je disais aux gens, il n'y aura pas de fin du monde, là. Mais les gens vont être plus portés à la croyance, à croire ce qui vient de l'extérieur, que l'information interne. Parce que c'est clair que quand je disais ça, je disais, il n'y aura pas de fin du monde en 2012, il ne se passera rien. C'est clair que ça activait quelque chose à l'interne qui était leur propre savoir à eux de ce qu'elle arrive ou pas. Puis pourtant, c'est non, les influences externes étaient plus fortes que leur noyau objectif. Donc, pourtant, c'est ça que j'essaie de mettre en mouvement, c'est ça que j'aimais. Bon. Connais-tu les théories de Philippe Guillemin? Si oui, ben non, vous savez, moi je suis quelqu'un de très simple. Je tout ce qui est. Mais ça tombe trop dans le New Age. Bon, c'est certain que je connais pas ça. Si ça tombe dans le New Age, c'est certain que je connais pas ça. Bonjour, Steph. Pour renforcer le contact, faut-il simplement lui parler souvent et discerner le charriage et le réel? Non, c'est lié à votre attitude d'une certaine façon. Puis à ce qui est intégré ou pas. J'ai eu dernièrement affaire à des gens qui voulaient à tout prix forcer le contact par eux-mêmes, là. Mais au niveau de leur perception de ça, puis des raisons pourquoi ils voulaient ça, puis le corps de désir, si vous voulez, ils se retardaient, puis ils s'empêchaient. Quand là, vous avez plus d'attente, puis que vous êtes d'une certaine indifférence face à ces choses-là, puis que par expérience, vous êtes un peu blasé, puis vous avez perdu l'enthousiasme, entre autres, là, ça a plus de chances de se produire. Il faut pas être non plus dans une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. On se retarde de nous-mêmes. Nous nous retardons nous-mêmes. Veux-tu expliquer pour toi c'est quoi être dans le réel, c'est être objectif? Arrêter de se conter des histoires, voir, avoir une vue de ce qui se passe en temps réel maintenant. C'est comme ça que je peux dire 2 ans à l'avance, ah ben le docteur Arruda, lui, il va porter le chapeau. Il a une tête à chapeau. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Bon, la date 2030 est bien réelle dans leur agenda. Oui. Puis, à moins qu'il y ait des imprévus, là, puis qu'ils décident. Sans parler de date, bullshit, ça, t'as dit quoi? Ah, l'inversion des pôles, rien. Ça m'intéresse pas vraiment. C'est intéressant pour des gens qui veulent mettre un objet à leurs angoisses. Mais non, ça me dit rien. Je dis pas que ça s'est pas déjà produit, que ça se reproduira pas, mais pas bientôt, là. Peut-on faire un parallèle avec la dérive actuelle, avec la pensée sectaire? Et si oui, sur la pensée sectaire est toujours collective. Donc, l'affaire de dissolution, l'éventuelle dissolution, il n'y en aura pas, là. Pour qu'il y ait une dissolution d'une pensée collective, il faut qu'il y ait un changement drastique d'un cycle à un autre. On change d'une race racine à une autre. Donc, l'affaire, là, la pensée sectaire, c'est toujours, toujours, toujours collectif. C'est toujours, toujours endallié à de l'exogène, là. Fait que l'affaire, là, ben, ça peut se dissoudre chez un individu. De la même façon que le secteur va tout le temps apporter de l'individu pour un collectif. Dès qu'un individu se fait drainer de l'individualité par un collectif, là, il se rentre dans de la pensée comme ça. Puis ça va aussi les idéologies politiques, ces choses-là. On pourrait se rappeler du futur et les modifier. Ça dépend, là. Ça dépend. Petit Jésus, salut. Bonjour, comprends, merci. Ah bon. Quand je parle et je me calisse d'avoir une réponse, des fois, il y a de quoi qui arrive dans la tête, mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui parle dans ma tête, j'ai de la misère à discerner. Ah, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, ça me fait un effet de déjà-vu. Ça me rappelle des souvenirs. Quelque chose me dit que la haine contre les non-vax s'explique par une haine envers soi. Ils savaient prendre une décision de merde. Oui, ben, y a une façon aussi de se rassurer puis trouver un bouc émissaire. C'était quoi un bouc émissaire anciennement? Les Israélites mettaient tous les péchés de leur tribu sur un bouc puis l'envoyaient dans le désert. Puis c'était pour évacuer de l'angoisse collectivement. Donc, c'est les mêmes mécaniques, là. Les mêmes vieilles mécaniques. C'est pourquoi est-ce que par le passé, les forciaviques ont eu intérêt à faire de la colère un péché? Parce que c'est le début du déblocage d'énergie qui peuvent être transmutées en volonté et capacité de transmuter vers un état différent où il y a une créativité, une capacité de changer la condition. Je suis d'accord que la colère est mauvaise conseillère de la même façon qu'un cheval ne peut pas être un bon cocher, mais c'est nécessaire d'avoir de l'énergie à transmuter. Puis au niveau d'avoir des chocs au début, quand on commence à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça passe dans les corps d'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait des chocs d'une certaine façon. Donc la colère, très importante, est un outil extraordinaire s'il est vu pour ce qu'il est. Si c'est pas subjectif, ou l'affaire, c'est pas de rester perpétuellement dans... Donc, l'affaire, la haine envers soi, puis c'est surtout de l'angoisse, puis un besoin de se rassurer. Puis, il y a aussi le principe d'altérité dont se servent les gouvernants pour faire bifurquer l'énergie de la masse vers les non-vaccinés, parce que sinon, qui va se faire passer au cash? C'est Macron puis Legault. Disons, être dans le réel nous apporte intuition, intelligence innée. Oui. Oui, parce qu'il y a des déblocages d'un paquet de vieilles formes, de vieilles structures qui détournaient l'énergie, l'information. Intelligentsia, au niveau, là, le latin intelligentsia, c'est de l'information. Prenez comme quand on dit les intelligences ennemies, c'est des réseaux d'informateurs. Vous voyez, là, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'intelligence et la conscience, parce qu'après, il faut gérer ça consciemment. Une secte se dissout souvent par un suicide collectif. Oui, souvent, c'est parce que, étant donné que l'individualité est totalement drainée par un collectif centré autour d'un individu, quand cet individu-là devient autodestructeur, il souhaite la fin de tout le monde, de tout le collectif. C'est pour ça, là, Jim Jones, puis il y a des choses comme ça. Ou l'autre, là, en Californie, là, Evans Gate. C'est sûr, il y avait le cancer, lui, en Californie. Il allait mourir. Il avait dit à sa gang qu'il était éternel, qu'il ne pouvait pas mourir. Là, tout d'un coup, il dit, oh, la comète, là, c'est quoi, Hale-Bopp? Hale-Bopp, je ne sais pas trop, là, il dit, il va falloir, là, ça me fait penser tout comme Jody Mambro puis Luc Jouret. Qui avait un délire lié aux Templiers, puis il dit, faut qu'on brûle pour aller sur Sirius. C'est une méchante gang de gnochons. Si quelqu'un vous dit de vous suicider, là, vous pouvez être sûr et certain que quelque part, là, c'est... vous avez affaire à de la merde. Toujours, là, il n'y a personne d'intelligent qui, dans le sens réel, qui va demander à une gang de. De toute façon, là, quelqu'un qui a de l'allure, il s'adresse à des individus, pas à des collectifs. Bon. Fait donc une secte se dissout souvent par un suicide collectif. Pourquoi? Parce que le gourou ne veut pas crever tout seul. À un moment donné, il y a toutes les forces destructrices, là, il n'arrive pas à les contenir, il retourne ça vers lui, mais il faut que ça passe par sa gang de licheux. Beaucoup de vaccinés vont regretter leur vaccination, mais ça dit pris dans l'engrenage. Ben, ça, c'est des défaites qui se donnent. Que le collectif devienne une excuse pour l'individu, ça, c'est pas acceptable. C'est comme j'avais raconté, là, il y a une dame dernièrement qui avait dit: Ah, même le Christ est tombé 3 fois, je vois, mais vu l'exemple, pourquoi c'était donné, je vois, mais il n'est pas tombé dans la boisson. Puis il n'est pas venu non plus pour servir d'excuse à nos faiblesses. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Donc, saine colère, ben oui. La colère, ça dépend de ce qu'on fait avec, ce qui la déclenche. Puis bon, le discernement, il part du discernement dans la colère. Donc, Bernard a-t-il déjà décrit le contexte de sa fusion? Oui, ben, il était étudiant à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, quand il y a eu un ch certain choc. Puis oui, il a décrit ces choses-là. Là, si vous êtes patient et que vous savez chercher comme il faut, vous allez trouver que. Oui, il en a parlé. T'en penses quoi des religieux apparus de nulle part avec le co-COVID? Ah, je sais pas ce qui se passe là. Un instant. Bon, on va continuer là. Bon, qu'est-ce que je pensais des cas COVID? Un autre bras du pouvoir pour foutre la zizanie. Ben. À mes yeux, c'est tant que c'est, j'en pense quoi, des religieux. Alors, voyons le Christ. Bon, je suis de retour. Oh, il est arrivé des. Je m'excuse, là, il y a encore du monde ici, là. Voyons. Ah, je vous dis, là. Laissez être la colère, moi, ça fait avancer moins de mal-être. Moins de mal-être et je vais laisser ça se faire en moi. Car mais plus de pouvoir sur la techno dans mon être. Je comprends pas, il faudrait reformuler ça autrement. BDM, des fois, racontait qu'il était dans une situation avec laquelle il ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à prendre une décision. Il se référait à son contact. Oui, ben, moi, c'est plus la vibration. Comme là, ça me dirait d'arrêter le live, mais je peux pas. Parce que la vibration dit de continuer, mais psychologiquement, j'ai envie d'arrêter, puis je suis en colère. Parce que justement, j'avais dit de pas s'arranger, de pas me déranger, là. Puis en crise. La proportion de gens pouvant être convertis au fascisme ne me surprend pas, mais c'est quand même un choc, on sait, mais le choc est là quand même. Vous savez, ces idéologies totalitaires-là, c'est tout le temps les mêmes forces que derrière, que ce soit ce qu'on a appelé l'extrême droite, le fascisme, ou que ce soit l'extrême gauche, comme les régimes staliniens. C'est exactement les mêmes forces que derrière. C'est toujours justement des forces qui font en sorte de drainer la volonté de l'individu, qui justement vont être des forces anti-hommes au sens d'être des nuisances par rapport à l'identité réelle, à la formation de l'identité réelle, à mettre en place les circonstances qui sont faites pour qu'il y ait une créativité réelle, saine, pour l'individu. Les forces qui vont contre ça, c'est des forces anti-hommes. Dans le sens que, moi, je vois pas de différence entre le fascisme. Puis oui, c'est tout le temps quelque chose lié à de la peur, de la crainte, dont les individus vont vouloir s'en remettre à quelque chose d'extérieur pour évacuer de l'angoisse. C'est pour ça, là, vous avez vu là, la chanteuse western, là, Guylaine Tanguay, qui est allée dire à la télévision, « Ben moi, je suis contente d'avoir des gens qui pensent à ma place et qui me disent quoi faire. » Ça, là, c'en est une nounoune, là. On peut dire ça là, sans être méchant. Là. Ça, c'est une grosse niaiseuse. Puis c'est pas question d'être méchant ou d'être gentil ou c'est d'appeler un chat, là. Parce que ça met le terrain pour des régimes totalitaires, cette espèce d'immaturité puérile, cette puérilité-là, que chez certaines personnes, cette crainte-là d'être au fond créatif, c'est-à-dire d'être son propre maître, puis d'être la personne qui décide de donner réellement une direction à son énergie. D'être son propre centre. Donc, voyez là. Donc, de l'incertitude. Le contact doit être plus intégré pour avoir plus de clarté. Oui, mais le contact, il va être lié à votre propre énergie. Il y a trop de personnes qui ont antithétisé des formes à l'extérieur d'elles. Mais comment, bon. En tout cas, penses-tu que cette thérapie génique est diffusée dans notre corps pour modifier nos gènes? Ben oui, ça le dit, le nom le dit. C'est certain que ça aura une incidence, en tout cas. Dans le vôtre, oui, pas dans celui de la plupart ici. Ah, je sais pas à quoi vous faites référence. Quand même de la misère à expliquer ça. Ouais, ça dépend de quoi on parle, mais expliquer c'est toujours difficile, c'est pour ça que vaut mieux pas réfléchir. Si je me mets à parler, sans réfléchir, c'est plus fluide, c'est plus clair. Es-tu au courant des bouleversements des champs magnétiques qui protègent la Terre hyper perturbée, les plaques tectoniques qui bougent, les pseudo-élites nous cachent tout ça avec des données erronées? Ben, il y a à peu près 30 ans, là, j'écoutais la télévision, j'étais assez jeune, puis un scientifique qui avait dit si les masses étaient au courant de tout ce qui se passe en ce moment, ce serait la panique. Donc, ces choses-là, moi, ça me fait pas vraiment peur. Je veux dire, on a tout le temps été au bord de la catastrophe. Ça fait partie des conditions d'une planète expérimentale. Donc, oui, il y a des bouleversements, puis oui. Mais bon, nous cache tout ça avec des données erronées. Personnellement, moi, le réchauffement planétaire qui serait d'origine anthropique, j'y crois pas. Je pense que je pense que ces gens-là instrumentalisent des phénomènes naturels pour continuer à avoir du pouvoir puis à dominer les masses. Donc, c'est subtil, là. C'est un jeu subtil. Un chercheur sur le carbone aurait dénoncé l'hydroxyde de graphène dans la potion avant de se faire abattre, assimilant ça à des larmes de rasoir minuscules. Ouais. Ben, il y a les frères Frankenstein en Allemagne, en Allemagne, mais en France, là, les gars Bogdanov, là. Eux autres, ils savaient peut-être des choses. Ils sont pas nécessairement morts de chirurgie plastique. Je sais où ça s'en va, je pourrais détacher mon regard, mais une curiosité morbide est là. J'aimerais m'en colisser, mais ma subjectivité me reste trompée. Ça dépend, là. Une curiosité morbide. Ça dépend, là. Souvent, je vais m'informer en suivant une vibration, pas ma curiosité. Puis, je me trompe moins quand je fais ça. Je suis moins mené en tout cas. Il y a du monde qui trippe sur les apparitions de 11-11. Moi, je m'en fous éperdument, mais depuis moi, ça m'arrive tout le temps. Je me fais-tu niaiser? Ah, vous parlez, vous regardez les... Ben non, c'est des phénomènes internes, ça. C'est parce que si à un moment donné, vous regardez l'heure, puis vous remarquez l'heure, puis ça a une sorte... Ça n'a pas de signification, mais le fait, vous dites, ah, ben c'est spécial, puis là, d'une certaine façon, inconsciemment, vous donnez une importance. Mais il y a une horloge interne, il y a quelque chose en vous que c'est tout le temps l'heure. Après, on va être porté à avoir le réflexe de regarder quand c'est le temps. si vous voulez, tout simplement parce que, sans s'en rendre compte, on a donné de l'importance avant, de temps en temps. C'est des programmes. C'est juste. Moi, 2-2-2, 4 fois par jour depuis 6 mois. Bon, ben, je vois la même chose. Je n'ai pas nécessairement raison, là. Guylaine Tanguay a le mérite d'avoir dit tout la mécanique d'une majorité. J'ai plus de dégoût pour Mme Jocelyne Cardin. Donc, elle n'a pas de mérite, Mme Tanguay. C'est quoi notre notion du mérite là-dedans? Elle s'est contentée d'être un chat qui miaule. Un chat n'a pas de mérite. Elle miaule, voyons. S'il jappe, là, oui. Mais Mme Cazin, moi, ben, elle, c'est une, on va se le dire, là. Ben, je vais essayer d'être gentil. Mais en plus, elle l'a rappelé, hein, le restaurant. Pour les... C'est une honte, enlever-lui son passeport, là, qu'elle arrête de nous faire honte partout, là. Ou enlever-lui une fois qu'elle est sortie pour qu'elle revienne pas. En tout cas. Mais non, ben, moi, je l'ai jamais aimé, elle. J'aime pas sa vibration. C'est drôle, hein. Toutes les personnes que j'ai de la télévision, quand j'aimais pas leur vibration, ils sont tous avérés être des imbéciles. Elle, je l'ai jamais aimée. Puis je savais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Bon, j'aime pas sa vibration. À un moment donné, je vais me fier juste à ça. Je vais me fier juste à ça. Dès que quelqu'un, j'aime pas sa vibration. Puis sans réfléchir, là, je ne me donnerais même plus la peine de réfléchir. Bonjour Lionel. Camille, pour les heures miroirs, il faut aller voir chez Iso. Elle parle de reprogrammation. Ah bon. Mais ça sent l'astral. Donc, est-ce qu'il faut aller voir? Fiez-vous à votre nez. Vous savez, moi, ma date de naissance, les miroirs, comme ça, ils se lient à l'endroit comme à l'envers. Puis il y a une dame qui fait de la numérologie qui m'avait dit que j'avais un destin spécial. J'espère bien franchement qu'elle a tort. J'ai tout le temps voulu avoir une... Mais là, je peux même plus aspirer à avoir une vie normale. Ils sont en train de tout décrisser. Tout le monde a un bullshit détecteur, mais les forces animaliennes sont encore trop fortes. Pourtant, l'intuition puis l'instinct, ça fait partie du bon aspect de certaines forces animaliennes de base. Donc, le bullshit détecteur, quelque part. Marco, il me semble que c'est... Voyons, je suis où là? C'est Harry Manin. Non, ça dépend de quoi on parle. Animalien, là, ça vient de Bernard. Ça. Les forces animaliennes, c'est des forces planétaires de base qui viennent de notre animalité. Vous autres, là, vous, là, Arumanien, là, si vous parlez dans le temps de les vieilles religions dans certaines régions, là. Il y a longtemps, là, très longtemps. C'est pas Aruman, là. Il n'est pas question d'Aruman, là. Ça dépend de quoi vous parlez, là. On ne parle pas des mêmes choses. Je respecte quand mes enfants n'aiment pas quelqu'un, même si c'est de la famille proche. Bon, ça, je trouve ça bien du bon sens. Ben, franchement, là. Bonjour, Bertel, que penses-tu des livres du Rancio? Je ne l'ai jamais lu, ça coûte trop cher. Je trouvais ça trop cher, puis j'ai cessé de lire, ça fait 2-3 ans. Hein. Ça fait un bout de temps, puis je n'ai plus envie de lire. Ça me tente pas, fait que je peux rien penser. Je pense rien de ça. Ça va aider à avoir un certain vocabulaire à certaines personnes. Les mesures gouvernementales accélérées au Québec ont-elles une corrélation avec l'énergie supramentale au Québec? Je dirais que c'est le contraire. C'est l'énergie supramentale qui va s'ajuster au contexte. Mais eux, ils n'ont aucune conscience de ça, là. Mais oui... Il y a une certaine... De toute façon, les Canadiens français ont toujours été traités plus durement que les autres Canadiens et ils ont toujours servi de laboratoire. Comme par exemple, Rob Ford, là, le gros bonhomme avec les cheveux jaunes puis la face rouge là, qui est en Ontario, lui, il va aligner ce qu'il fait selon ce qui se passe au Québec avec un certain délai. Puis même le Québec va surveiller ce qui se passe en France. Legault est tout le temps... en train de parler d'ailleurs dans le monde, pas ailleurs dans le monde, mais c'est tout le temps d'une façon subjective qu'il l'arrange. Donc, bon, bonjour, Mystère Guerrière, bonjour. Hello, bonjour, Cellule. Oh. Benoît, les mesures accélérées gouvernementales sont-elles un levier pour accentuer la souffrance, pour faire évoluer le peuple plus rapidement? À la base, les gouvernements font pas ça pour ça, mais ça va finir par faire ça. Mais ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, là, c'est plus long. Ça peut même faire régresser le collectif. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Je pensais pas avoir aussi honte un jour d'être Québécois. Puis ça, je l'ai dit il y a plus d'un an, là, mais c'est encore le cas. Des fois, je me demande si on n'est pas une espèce de peuple de cabochon. Je me dis, oui, il y en a des brillants, mais c'est exceptionnel parce que j'ai vraiment honte. Vraiment, là. As-tu déjà essayé de faire un dessin en live pour pousser une descente directive en direct? Non, mais j'en ai fait il y a 4 ans à peu près. Puis, mais c'était filmé, mais c'était pas en live. Ça fait pas longtemps que je fais des lives. Vraiment pas longtemps. Donc, combien est-ce qu'il y a de personnes? 50? Ah, ben c'est pas mal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut pas être fâché contre un singe qui te fait la grimace. Oui. Oui, parce que c'est pas à un singe de venir mener votre vie. Si ce singe-là, la grimace qu'il vous fait, c'est de vous forcer à vous forcer à vivre d'une façon, là. Vous pouvez pas accepter ça, là, vous pouvez être fâché, puis cette énergie-là peut ensuite servir justement à faire en sorte de pas se laisser faire. J'aime le Québec de ma grand-mère. Ma grand-mère est morte, le Québec aussi. Ben, le Québec est en transmutation. L'affaire, c'est que je me demande ce que ça va donner. Mais il a été décidé il y a longtemps, dans le temps de Ronald McDonald puis d'autres, que le mieux était l'assimilation en douceur, ce qu'il continue de faire. C'est pour ça que il y a 75 ans, ben il y a des Québécois qui appelaient leurs enfants avec des noms francophones. Puis aujourd'hui, c'est plein de Kevin puis de c'est tous des noms. Moi-même là, mes neveux et nièces ont des noms anglo-saxons. Puis pas des beaux noms anglo-saxons, là, des noms de diminutifs à l'américaine. Connais-tu Jean-Luc Leroy qui était ami avec Bernard? Ah, oh, le monsieur français. Ben, j'ai vu des témoignages de ce monsieur-là, puis j'ai vu des. Ben, c'est ça, j'ai écouté des entretiens qu'il a accordés. Mais je ne le connais pas personnellement. Ben, ouais, il faut regarder individuel. Sinon, on va se faire du mal et avoir le collectif québécois. On va se faire du mal à voir. Ben oui, si je m'identifiais aux Québécois. Si j'étais nationaliste, là, je serais en train de virer fou, moi, là. Hein? Je suis pas fédéraliste non plus. Mais si j'étais nationaliste, là, j'aurais de la peine pas mal. Si les gens sont tellement morons que je suis presque content qu'ils souffrent, si ça peut être le coup de poêle en fond qui les fait ressaisir, mais ça n'arrivera pas. Ben, c'est parfait pour saisir et ressaisir la poêle en fond. Ben, on sait pas. Ça peut revirer vite. Ça peut revirer vite. C'est pas l'affaire d'avoir de l'espoir, mais faut pas perdre d'espoir non plus. Madame Michaud, j'ai l'impression qu'on va se faire engloutir par les forces du mal, malgré tout ce qu'on peut faire ou dire pour s'aider ou s'ouvrir les yeux. Ben, vous savez, c'est parce qu'il faut pas polariser ça non plus. Parce que c'est des forces évolutives que l'être humain polarise en bien et mal. Mais ça crée un dynamisme qui est évolutionnaire dans le fond. Donc, faut pas non plus penser que ça c'est une fin en soi, le mal, au contraire. Ben, merci à vous, Christine Lavestal. Pensez-vous que l'intégration puisse causer d'importantes douleurs physiques et aussi quand les mémoires sont brûlées? J'ai régulièrement de terribles migraines et le corps qui sont brûlés. Ben là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, dans le sens que il y a possiblement vraiment un trouble au niveau physiologique, là. Peut-être vous faites de la fibromyalgie, là, le corps qui semble brûler, puis ça peut être lié à, c'est peut-être psychosomatique aussi. Normalement, là, plus vous intégrez, plus il va y avoir des déblocages et plus vous allez être bien dans votre corps. Normalement, là. Marco Vachon. Je ne vois rien dans le Québec qui mérite d'être sauvé, même avant la pandémie. Tellement de détails me mettaient en colère, dont les enfants, pour ça, je stationnais dans les CPE. Ouais, mais c'est pas le vrai Québec, ça. L'esprit québécois, le vrai, C'est pas ça, là. Ça, c'est des niaiseries. L'affaire des CPE, puis tout, c'est parce qu'on est rendu avec un modèle qui n'a rien à voir avec le Québec comme il était, là. Quand j'étais enfant, moi, il y avait pas ça, les CPE, il n'y avait pas des bébés parqués en garderie. Des bébés en garderie, ça n'existait pas quand j'étais petit. Donc, en tout cas, c'est de la gestion, tant qu'à moi, là, qui n'a rien à voir avec notre culture, là. Il y a un adage qui dit que c'est dans la difficulté qu'on progresse. Ben oui, ça vient engendrer un dynamisme. Disons que la nécessité est plus, c'est la meilleure motivation, c'est la nécessité. Quand ça avance ou ça casse, là. Donc peut-être qu'il va falloir se rendre jusqu'au bord de la catastrophe ou qu'on soit dedans pour s'en sortir. C'est souvent comme ça. C'est ça pour moi, la colère, ça replace mon esprit en pouvoir dans ma réalité. Je me trouve plus dans le moment présent et mon mental est calme et je peux plus voir, disons, une matrice réelle, la paix. Ouais. Ben, quand je vis des grandes colères, là, ou que je suis vraiment en colère, là, puis je finis, c'est tout le temps que j'ai de l'information à intégrer. Je vois tout le temps ça comme. Tout ce qui est des troubles, là, qu'on sent un grand trouble, maintenant, je les vois comme des occasions, des potentialités dans le moment réel. Donc, souvent, je vais m'arrêter puis observer puis me dire, bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ah, je m'explique du mieux que je peux faire. C'est pour ça que j'aime t'écouter, ça m'aide. Bon, ben, tant mieux. Parce que. Prenez quelqu'un, par exemple, là, que je sais pas moi, qu'il a depuis des années des problèmes de dette, par exemple. C'est souvent la colère de subir sa situation qui va servir de carburant pour la changer. Quand vous souffrez, quand vous n'avez plus rien à perdre, vous avez tout à gagner, quelque part. Si vous êtes capable d'être. En tout cas, la colère contre sa condition, elle est normale et souhaitable. Donc, bon. Ah bon. Je vais devoir mettre fin au live bientôt. Parce que là, bon. Je peux pas empêcher les autres de faire leurs affaires quand même. Ah, vous faites du bien par vos lives car la vibration est instantanée. Ça touche les hautes fréquences. Bon, mais c'est pas vu par tout le monde, notamment les gens qui intellectualisent beaucoup. Les gens qui donnent encore de la valeur psychologique au psychologique lui-même. Donc, il faut que pour que ce soit vu, ça prend une certaine sensibilité qui est rare. Qui est rare. Comme prenez Bernard, il s'est essayé en France, puis justement avec le monsieur là, que vous me parliez, Jean-Luc, puis il y a eu de la misère. Il y a de la misère. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français intellectualisent et sont tellement psychologiques qu'ils ne sentaient pas la vibration. Ils étaient trop à analyser puis à réfléchir le propos. Puis ils étaient revenus en disant, c'est orgueilleux ce monde-là. Bon. Ah oui. Ah bon. J'ai pas remarqué moi-même. La colère, j'en viens juste pas comment on s'est fait berner, venir sur une planète prison entourée de. Ben oui. Mais il y en a, vous savez, ils vont en prison puis ils ressortent avec un diplôme d'études supérieures. Donc, tu as déjà dit qu'on était notre propre cristal qu'il va être poli de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Je vois ça comme ça pour préparer nos corps, l'intégration de l'esprit, c'est du stock. Oui, c'est-à-dire que l'expérimental, c'est ça l'extérieur. Puis l'intégration, là, c'est le phénomène de densification cristalline des corps, si vous voulez. Mais oui, c'est ça fait un bon bout de temps que je remarque un type de personne qui a l'air tout à fait normal, même qui sourit, mais qui n'a aucune empathie, type travailleuse sociale. Oui, ça, je l'ai vu dans le communautaire, ce que tu décris, là. Puis il n'y a rien de plus dangereux que ce monde-là. Avant, ça faisait des bonnes sœurs, ce monde-là, ou des fois des docteurs ou des curés. Pasteur, ça fait des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, c'est des psychopathes. Dans le sens, ils sont mécaniques, il n'y a pas d'esprit. Dans le sens, il y a de l'âme, mais il n'y a pas d'esprit. C'est mécanique. Ils sont. Comment je pourrais dire ça? Vous savez, c'est le dame planétaire, dame DAM. Le dame planétaire, ça, c'est l'ensemble des gens qui sont coupés de leur esprit. C'est le dame planétaire, DAM, planétaire. C'est un terme qui n'a jamais été employé beaucoup, qu'on ne parle pas beaucoup. Mais le dame planétaire, c'est la communauté de ces gens-là qui sont totalement coupés de leur esprit, qui font partie d'un contexte expérimental. En tout cas, là, on s'en va un petit peu loin, là. Il y a quelque chose qui me ramène toujours quand je me décourage. Oui, ben, c'en est ça des forces évolutionnaires en vous. Puis, moi, je me fais même botter le cul des fois, là. Je me fais remettre en piste. Quelle est la différence entre une colère vibratoire et une colère émotionnelle? Ça donne la direction que ça prend. Puis, les mises en vibration. C'est ça qui fait la différence. Une colère émotionnelle, vous allez avoir une perte d'énergie. Une colère vibratoire, vous l'accumulez. Sophie, à la première impression, je ne suis pas forcément d'accord. Celle-ci peut aussi être colorée par les. Ben oui, mais là, c'est pas une première impression objective. Il y a une différence, là. Si ça passe à travers des mécaniques subjectives liées à, entre autres, à l'expérimental puis à l'éducationnel, à l'influence, là, ça va être coloré dès le début. Mais c'est pas premier, alors c'est pas pur comme impression. C'est psychologique, c'est pas vibratoire. Donc, les dames, c'est comme les PNJ. Ben, c'est quoi les PNJ? Je sais pas. Ouais, monsieur Vachon, j'ai pas vu votre main. Ces dames planétaires, ce sont ce qu'on appelle des portails organiques, mais sont-ils comme nous au départ? Ont-ils un esprit? Oui. C'est des jeunes âmes. L'énergie, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, puis elle s'incarne de plus en plus dans des corps de plus en plus perfectionnés. Mais il y a des jeunes âmes, c'est-à-dire que l'énergie est pas perfectionnée, pas au niveau du corps matériel, mais au niveau de ses corps subtils. Donc, ça fait du monde, il n'y a pas de contact possible avec l'esprit dans cette vie-ci. Mais l'énergie va falloir qu'elle ressorte, qu'elle rentre, qu'elle ressorte, qu'elle rentre. Je ne sais pas si vous comprenez, là, c'est un processus bizarre. C'est pour quelqu'un de, je veux dire, parler de ça là, comme ça fait étrange. J'ai l'impression de. Bon. Ah, PNJ personnage, non, genre. Bah oui. Bah oui. Mais vous savez, là, plus les versions de jeu, il y en a d'autres qui reviennent, plus l'intelligence artificielle, entre guillemets, se perfectionne. Le corps enseignant, comme beaucoup. Oui. Ben oui, puis de plus en plus. Puis ceci explique cela, puis ça se perpétue. On a comme un système qui s'auto-régule, puis qui se remet à jour par lui-même tout le temps. Donc, mais ça, les gens qui n'ont pas le contact avec leur esprit n'allaient jamais penser que c'est pas du monde, puis qu'il faut manquer d'empathie avec, puis les maltraiter, là. Faut pas les voir comme des robots, là. Vous comprenez? C'est comme s'ils sont plus proches de l'animal que de l'homme. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas des. On n'a pas le droit d'être méchant ou de maltraiter des personnes parce qu'on vient de les décréter que c'est des portails organiques. Parce que là, c'est nous qui nous éloignons de notre propre humanité. Si on fait ça. On n'a pas le droit de maltraiter du monde sous prétexte qu'ils sont, on est plus conscient qu'eux autres. Ça n'a pas d'allure, ça. Ça commence, ça, c'est être pas conscient soi-même. Je dirais plutôt que se fier à l'impression dépolarisée, neutre ou neutrale. Lisante élaboration mentale partant de polarité à neutralité, transmettant l'information colorée au point zéro. Ben, moi, je trouve que ça sonne bien, que la vibration est belle, mais il faudrait que je le relise puis que je me penche comme il faut. Puis. J'ai eu à vivre des très grosses colères dans ma jeunesse et aussi dernièrement, cela est revenu, mais ça m'a fait gagner tellement d'énergie que j'en tire bien mon épingle du jeu. Bon. Parce que par l'expérimental, des fois, il peut y avoir des vieux conflits qui se réactivent. Mais à ce moment-là, habituellement, les gens perdent de l'énergie. Mais donc, ça ne doit pas être ça. Les enfants connectés. Ils détectent vite, ils finissent par s'attacher par une sorte de guerre d'oiseaux, car ils sont pogner un an avec elle. Sortez vos enfants. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de sortir ses enfants de l'école. Puis, des enfants qui souffrent beaucoup d'un système, ça peut faire des enfants qui plus tard vont être assez créatifs pour le transformer eux-mêmes. Donc, oui, j'ai déjà fait affaire avec le communautaire, ben oui. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup dans le communautaire, des gens. Selon Richard Glenn, le 23 février 2000, ben oui, on verra. Si lui-même est encore là pour le voir. La première impression, arrêtez de vous casser la tête, c'est comme goûter un aliment. Ah, peut-être, moi. C'est parce qu'il y a des gens très, très subjectifs par leur éducation, leur psychologie, puis leur vécu, leur mémoire, que même leur première impression sera pas bonne. Mais c'est parce que, comme il dit ça, Moreau, tout est reçu selon la forme du contenant, là. C'est pour ça l'affaire de l'ego, c'est une lentille, puis il faut la dépolluer. Mais on a besoin d'une lentille, c'est pour ça de ne pas être contre l'ego non plus. Il est à veille d'être 11h30, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. J'attends quelqu'un. J'ai un rendez-vous. Mais ça a été très intéressant. L'affaire-là. La dame planétaire, je ne penserais pas parler de ça en public à un moment donné. Mais on a voulu me faire des reproches parce que je faisais rire, je leur ai pété une coche, ils ne m'ont plus achalé. Ça dépend de ce que c'était ajusté. Ça dépend du contexte. C'est comme des fois, c'est pas le temps de faire des farces. Moreau m'énerve, j'aime qu'on me rapporte, c'est best. Par personne interposée. Ouais. Il est spécial. Yes. Merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée. Bon, et merci à vous. Donc, je vais mettre fin au live. Puis, possiblement, je sais pas quand je vais refaire une vidéo. Je vais peut-être faire une prise de parole à un moment donné, là. Mais ça, non plus, je sais jamais quand. Donc, je te souhaite une belle journée. Ben, vous aussi, c'est drôle, hein? Je me sens plus de bonne humeur qu'avant de faire le live. Donc, ça devrait aussi, au moins, ça peut servir à ça. Donc, merci à vous tous, puis bonne journée.